J'entends plus rien, moi. C'est normal, là. T'as plus de son, non? Je jouais plus. Et en passant par Vuse. À la con, là, puisqu'il continue à télécharger. Vuse. T'es sûr, hein? Et Adopi, si tu m'écoutes, je t'emmerde, hein. Ah, mais vous êtes branchés, les gars, moi je connais rien. Moi je faisais mon petit téléchargement gentil, tranquille, là, ils viennent me casser les couilles. Tu m'enverras ton mail. Tu l'as encore, non? Parce que je sais pas, j'ai merdé sur ma boîte.